Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur le 105.9 de Radio Hellebore. Vous êtes en compagnie de l'oncle Ben et de Notibi. Salut Notibi. Bonsoir. Alors ce soir, une émission un petit peu spéciale, puisque vendredi, donc demain, le 4 mars, à partir de 19h. Ouais, c'est ça, 19h. Un petit apéro mix. Au B-Rock. Voilà. Vous avez l'habitude, c'est Rock The B Part 5. Donc le retour de l'Antichambre au B-Rock Café. Donc on va dire c'est nous deux, hein, en tant que DJ pour l'apéro mix. Ouais. Donc Oncle Ben et Naughty B. Et puis on a un invité de marque qui nous vient tout droit de Nantes, Monsieur DJ Faroua. Ouais, une belle petite soirée avec donc ce DJ Faroua qui est un tonton de la funk dans la scène DJ française. Le gars vient de Nantes. Il est l'initiateur d'un super magot de disques à l'époque qui s'appelait Oneness Records. Il n'existe plus ? Si, si. Existe toujours, mais il est plus dedans, par contre. D'accord. Ouais, parce que je sais qu'il, c'est souvent cité hein, sur la place de Nantes. Ouais. C'est vraiment le vas à Nantes, disque référence. Tu vas à Nantes, tu vas chercher des vinyles, tu passes à Oneness, quoi, c'est clair. Et puis il est aussi connu pour avoir créé en fait les Funky Saturday depuis 1998. C'est des soirées qui sont mensuelles et qui ramènent toujours énormément de monde. C'est des soirées d'anthologie sur Nantes. Et d'ailleurs, elles sont en partenariat avec Radio Nova là-bas. C'est ça que j'allais dire, ouais. Oui, Radio Nova, il a pas une émission là-dessus, sur Radio Nova, non ? Non, par contre, il a eu une émission. Alors, je crois pas que c'était sur Radio Nova, c'était probablement sur une radio nantaise. Ne sais plus du tout le nom, donc. Mais il a aussi animé une émission pendant une bonne dizaine d'années. Voire un peu plus même. Donc un bref, gros DJ de référence. Hein. C'est, ouais, et puis le truc avec ces DJ-là, tu te rends compte que c'est des mecs qui sortent des vinyles incroyables, des trucs que tu sais que... Enfin, tu peux pas avoir, quoi. Tu peux pas trouver. Et c'est souvent des DJ qui justement, à un moment donné dans leur carrière, ont eu à gérer un magasin de Scud, quoi. Le fait d'avoir le magasin de Scud, ça te permet d'avoir tout de suite de voir des vinyles arriver, des trucs de fou, quoi. Et puis de pouvoir écouter tout ça et puis se les mettre de côté. Ouais. Donc une super... le mec, il connaît vraiment, vraiment la funk jusqu'au bout des doigts et il va venir nous faire danser avec ses super scuds vendredi au B-Rock et ça va être mortel, franchement. Alors pour les mettre en appétit, nos auditeurs, on a le droit d'avoir un petit mix d'une vingtaine de minutes, comme ça vous allez savoir ce qu'il sait faire derrière ses platines. Ce à quoi vous attendre. Voilà, et donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On enchaînait après avec une petite école du sample. Hein. Ouais, je ferai une petite école du sample. Petite école du sample et tu débrieferas après. Donc voilà, c'est parti. Donc toujours dans l'antichambre sur les 105.9 de Radio Hellebore. Un peu de mix de Monsieur DJ Faroua. Do it. stop freaking with you, because your love making, ooh, it's so, so good to me, honey. You really turn me on. The love we shared between the two of us is something worth just this year is 1976. So we're gonna do a little thing for you we call the bicentennial muscle. Come on, fellas. Just Thank you.

Waouh, quel mix. Quel mix, alors là tu l'as dit. Hein. Mm-hmm. Alors là je sens qu'on va vraiment adorer ça vendredi soir, donc ouais. Le 4 mars à partir, on va dire, de 21h. Hein, parce que, donc nous, vous pouvez venir avant pour l'apéro mix, ça c'est sûr. C'est nous qui nous occupons, mais si vous voulez vraiment écouter Faroua, ça sera à partir de 21h. Ouais, pour le gros dance floor, ouais, ce sera dans ces eaux-là à 21h. Ouais. Ah, j'espère que Jeff aura poussé les tables. Ah oui, il faut. Hein. Donc voilà, on peut pas vous débriefer vraiment ce mix parce que moi je ne connaissais pas. Deux, trois trucs. Toi, ouais, peut-être si tu as des choses. Bah, y a eu la version brésilienne du Rapper's Delight, là, mais je me rappelle plus le nom. Je sais que Michel Platine l'utilise un peu des fois, de temps en temps. Il y a eu aussi une édite que je crois que c'était l'édite que Mohar a fait. Alors il faut savoir que Mohar et Faroua ont fait plusieurs trucs ensemble en fait, notamment des édites de morceaux funk, et là il me semblait avoir reconnu l'édite de Mohar sur un vinyle qu'ils ont sorti, un vinyle funky Saturday justement, This Party Is Just For You, et bref, ouais, deux trois petits trucs comme ça, mais c'est clair quoi, il y a des choses, faut aller les chercher, ouais. En tout cas, donc on vous rappellera à la fin de l'émission bien sûr les informations pour cette soirée. Et puis on va passer à ta petite partie, donc qui est une école du sample. Ouais, une petite école du sample, ouais. On va se lancer sur un morceau qui est pas en fait forcément connu, donc le morceau sampleur. C'est un morceau tiré de, en fait, des morceaux qui n'ont pas été sélectionnés pour l'album de Charisma et Peanut Butter Wolf, donc le premier album de Big Shot, enfin premier et seul album, puisque Charisma a disparu ensuite. Et c'est un morceau qui s'appelle High School Love et qui est assez sympathique. Donc on va commencer là-dessus, puis je reviendrai ensuite vous présenter le sampler. Voilà. D'accord, on va s'écouter ça. On envoie le générique de l'école du sample. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Dig that. Dig this. Du sample à l'original et de l'original au sample. C'est boucle idéal. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Load up the phonograph. Hearts filled with love and joy cannot help but share their love. For the gift of love cannot be kept locked inside. High school love, it felt like she was sent from above. Walking through the hallways, passing love notes and hugs. And then we got to know each other. And your word to the mother, my brother. She wasn't like no other. A beauty queen with a style of her own. She was bad to the bone. We spent hours on the telephone. Talking about this and that. Explaining about how she didn't like brothers who sold crap. On the block after school, I kept my cool. Cause I was dazed when I saw her in the PE swimming pool. Ooh, ooh. Brothers started talking, they was all talking, but I was the one doing the talking. Telling her to let her mind free, soothing her body, and letting her know she was the one for C. So I took a chance for some romance, got my courage up and I asked her to the school dance. Everything was true, going in motion. If I was the waves, then she would be like the ocean. My love, yes, my love bird. Thinking in my mind, word, cause nothing bad had occurred. I mean, she was the one for me. I would go to school for her, not for the math or the history. That was this to me, buying a lunch while my friends laugh. Carrying the heavy books all the way to her next class. Cause crazy pencils I picked from the student store, so I could have something to greet her with at her front door. And I thought things could never go bump. I guess that's what happens when you got a high school love. She was my high school love. She was my high school love. She was my high school love. Why don't you stop? Alors voilà, donc on a eu en première partie le Charisma et Peanut Butter Wolf pour High School Love. Et puis on a pu écouter donc le sampler qui était en fait un morceau de Barbara Acklin qui est sorti sur Brunswick Records en 1968 et qui s'appelle Am I the Same Girl. Seulement en fait l'histoire, il y a une petite histoire bien intéressante sur ce morceau en fait quand je faisais mes devoirs avant de venir à l'émission. Je me suis rendu compte qu'en fait donc le morceau Am I the Same Girl, Barbara Acklin, est un morceau qui a été écrit par Eugene Record et Sonny Sanders et enregistré en 1968 avec le live session, les musiciens live du label Brunswick. D'accord. Et le producteur à ce moment-là a pas dû aimer finalement la voix de Barbara Acklin, qui est quand même plutôt agréable, et a préféré remplacer sa voix par un solo piano d'un pianiste qui s'appelle Floyd Morris et qui a joué pour les Young Holt Unlimited. Ah voilà, moi je connais aussi, la version des Young Holt Unlimited. On arrive à l'histoire. Et donc ce producteur a sorti finalement la deuxième version, qui est la version instrumentale, sous le nom Soulful Strut, des Young Holt Unlimited en fait. D'accord. Et c'est que quelques mois plus tard que ce morceau de Barbara Acklin va sortir plus tard quoi en fait. D'accord, et le Soul Strut a été samplé par Pete Rock and CL Smooth pour leur morceau qui s'appelait One in a Million. Ouais, aussi, exact. Ouais, il a été samplé par plein de... Moi, je le connais plus pour ça, en fait. Bah ouais, mais en fait, si t'écoutes bien, le morceau de Barbara Acklin, c'est Young Holt, quoi. Oui, voilà, la version est la même. Ouais, c'est la même version. Ça se faisait assez fréquemment à l'époque, c'est un peu comme les Funk Brothers et la Motown, tu vois. Chaque gros label avait un petit peu ses musiciens de l'ombre, voilà, ouais. Et le truc aussi, c'est que ce Am I the Same Girl a été aussi chanté par tout un tas d'autres artistes, dont notamment Dusty Springfield, la chanteuse de Son of a Preacher Man. Il y a eu pas mal de trucs comme ça, et notamment un petit morceau que j'ai bien apprécié, une version un petit peu reggae, une reggae cover d'une demoiselle qui s'appelle Charmaine Burnett. Le morceau est sorti en 1981, en Angleterre, et on va finir avec cette petite reggae cover de ce morceau de Barbara Acklin. D'accord, donc la chanson c'est I'm Not the Same Girl. Am I the Same Girl. D'accord. Même ouais. Et ben on s'écoute ça, donc c'est reparti avec donc l'école du sample qui se poursuit. Think it over. I'm not the same girl. J'attends que mon acolyte me rejoigne dans les studios. Hein, il était sorti, il m'a laissé en plan. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette petite école du sample. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je ne t'ai pas dit ce que j'allais jouer, donc ça va être la surprise. Donc on va partir au Danemark avec deux... On va dire on les connaît en tant que DJ, mais ils sont aussi producteurs. Donc deux gros noms. Je pense qu'au Danemark, deux gros DJ, est-ce que ça te dit quelque chose ? Il y a le DJ, DJ Décisive, là, non ? Non, alors on va dire c'est DJ Noise. Ok. Donc, qui a été finaliste de plusieurs championnats d'EMC. Ok. Et puis son acolyte, c'est DJ Static. Ok. Donc, ils ont formé, un groupe qui s'appelle Majors. Donc, ils ont sorti un album en 2008. Avec trois rappeurs. Donc il y a, si je me rappelle bien, il y a Nat Hill, G Spiff, et puis le troisième, j'ai plus son nom. Donc vous allez voir, c'est du bon hip-hop. Bon, bien sûr, ils chantent en anglais. Des bonnes prods, pas mal de scratch. Si vous avez l'habitude de voir un peu les vidéos de DJ Noize et tout, ou même Static, vous verrez, ils aiment bien faire des collages, on va dire, des phrases remontées avec. Donc ça reste un petit peu dans cet esprit-là. Et on enchaînera avec d'autres morceaux de DJ Static tout seul, avec Nat Hill. Ils ont sorti donc un album tous les deux, je pense qu'il est sorti avant, je pense qu'il est sorti en 2006. Et donc vous allez voir ce que ça donne. Donc du bon hip-hop du Danemark. Et puis on se retrouve juste pour conclure l'émission après. Yes. That old boom bap. So put the needle to the record, people peep the method. From amateur night cats to the season legends. Schoolyard rhyming to major label investments. Banned from radio, cursed in church by reference. Revolutionary weapon, it's a lethal expression. Voice of the streets, like Melly Mel on a message. So long rims, going where the rainbow ends. Rocking six pens, boots with Timberland emblems. Need my boombox and a pen, couple shots of gin. Some of that tough city, 45 King. Classic, a fiend for that New York magic. Spray paint graphics and Carhartt fabrics. That old city paper. But chase balance on a razor blade. Yes, yes, y'all rock steady till the day I break. We don't fuck around. Hey, go kick, snare, kick, kick, snare. Make you sit, stare in mid-air. It appears they ask, how did you get here? It's cause people care for the kid and the kid care. I usually smoke chronic, write chronicles. But for now, demolish chromosomes, molecules. No school cats wasn't brought up with the ba-ba-boom-bop, ba-ba-ba-boom-bop. Know about the cold hurt and the kind and cold hot. So I did the do work to get the crew back. The backpack posse get a taste of the joy. Go, start now, Ali J, spliffing noise. Sing the same song, get strings to play on. Contract signed, a new slave on. And I don't fear the facts. Saw that ducking, jiving, running and hiding. I ain't here for that. It goes kick, snare, snare, hi-hat. I'm a true school cat, but I learned from that. I know about Sean P, Monkey Boss, and Static taught me all about Papa Large. I've seen Noise kick ass in DMC, and yo raps die out on MTV. But I'm so full of soul like Nagash Ali. We the future, the beats, rhymes and lyrics. My brain's the tape deck, my mouth the speaker. And y'all looking hungry, I'm out to feature. Y'all got a party that I'd like to feature, and bring Boom Bap, it would like to meet ya. This here's smoking like pipes of reefer. Battle J Spliff Dog, nice to beat ya. I don't fuck with your no brain lame ass raps. Y'all know I ain't here for that. Stop reading. Suckers never play me. Suckers never play me. Play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Never play me. The club do. Play me. My boys do. Play me. The chicken heads. Play me. Radio don't. Play me. The fly kids. Play me. B-boys, yo moms do, radio don't. Now what done happened to the DJs who's spinning in the box? Y'all done went deaf to flavors, time to show you something hot. The majors making music that'll change the whole scenery. Peep the live show, you won't find us on no frequency. Fruity juicy DJs, they need to stop hating, yo. Custom made flow supposed to bang about the radio. Gapping in my ear all day long. I'm getting stupider every time you play a song. I love my boombox, but it never moves my neck unless I pop a tape up in the tape deck. Fresh! Manhattan keeps on making it. Europe keeps on taking it. Majors keep creating it. My radio is faking it. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Radio. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Play me. Suckers never play me. Suckers never play me. Suckers never play me. I used to. With the big boys, those who hold names. Yes, yes, y'all. Yeah, yeah, y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Ben Mark's finest, better than all y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Yeah, yeah, y'all. Yes to the yeah, y'all. Yep, yep. The usual suspects, we at it. And we are better than all y'all. They not like you other DJs. Acting hard, fumbling around below the radar. Close and afar, they known as stars. So bring your best set, get blown apart. They seen a lot of places, a million faces. Rocked all stages, checked the traces. Ripped up faders, dissed y'all haters. Burned out wax and all you imitators. Crowd commanders, real battle teams up. Three-man army, blowing the aims up. Originators of the word cuts. Word. Kings you heard of, ready to serve ya. So first up with a real heat seeker. Crowd pleaser, register off the meter. The street sweeper. Buck shots through the speaker. Static. Let your fingers do the talk. Why? Why? Why? Why? What the hell are you waiting for? Nothing. Cause I'm doing this right about now. But what you gonna do? What you gonna do? I'm going to do my stuff. Get ready. We don't talk and we live it. For the underground world, no one can do it better. Speaking with my hands all day. So fuck y'all rappers, all y'all gay. It's all about the DJ. I bang with the big boys, those who hold names. Yes, yes, y'all. Yeah, yeah, y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Ben Mark's finest, better than all y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Yeah, yeah, y'all. Yes to the yeah, y'all. It's on till it's out. They can't stop us. And we are better than all y'all. That's right. Time to prove it, so next up to thicken the plot, the stone-faced assassin blowing up the spot. Shine, got the shit on lock. The more emotion I put into it, the harder I rock. Cutting it up with a surgeon's precision. Like that. Tucker DJs can't front. Ease back and let it hit ya. so amazing. When I show up and the shit don't stop, I bang with the big boys, those who hold names. Yes, yes, y'all. Yeah, yeah, y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Ben Mark's finest, better than all y'all. I bang with the big boys, those who hold names. Stat Nat, about to bring it to your live like, yeah. Refuse to lose. Let's go. About to bring it to your live like, bring it to your live, live. Time out, bring all your rhymes out. Take a deep breath, then pull a line out. I break competitors and any weapon they bring. My venom get up in them like a scorpion sting. You can throw me to the sharks or crown me king. I'ma stay above water, keep doing my thing. Pull out the hardware when I step in your sight, with a fader gladiator and a mic device. Fully dedicated, it's the way I perform. I bring the people in the crowd to the eye of the storm. Get your reinforcements, take precautions. Hold your horses, squeeze your crosses. Yeah, we demand respect. Original tag team, nothing like the rest. Code name I double and I do it to death. While the number one DJ rule the decks. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate, it's how the session straight. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate. About to bring it to your live like. Refuse to lose. About to bring it to your live like. The five-star general, eardrum mineral. A mic criminal, take it to the pinnacle. My sound cynical, style individual. A rap scholar, study every syllable. The underground crown contenders. Return of the boom-bap rap defenders. Caped Avengers who won't surrender to A&R record label pimp's agenda. It's Operation Bum Rush the Nation. We bringing terror to the radio stations. They all facing a rude awakening. Soon as we hit them with our troops invasion. Took a long time for the best to come. We been in the lab, now the weapon is done. Yeah, teamwork and it weighs a ton. Static and that ill, second to none. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate, it's time to set shit straight. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate. About to bring it to your live like. Refuse to lose. About to bring it to your live like. Don't get it confused, you lose. Yo, to all the ladies and gents, boys and girls, be paying attention. Bring it to your live. Bringing them styles that, that you never heard before. Cause I'm original. I got nothing but dope flows. One, two, one. This ain't no background music. It's right in your face. We operate with a big beat running up. Here to demonstrate how to break the mold. Never seen before, heard before. So, 4, 3, 2, 1. We're doing it big. Having great big fun. Always calm under pressure. For your listening pressure. Pleasure. Cool. You know it gets no fresher. Fresh. Yes, yes. You are not rocking with the best. So, get it right. Don't get it confused. Refuse to lose. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate. It's time to set shit straight. Suckers to the side, I know you hate. We eradicate. I'm about to bring it to your live like. Refuse to lose. I'm about to bring it to your live like. The most dedicated DJ cutting. Take full aim, direct hit, don't miss. this. But how many DJs must get this? One, fuck you. Fuck y'all. Three, why bring it to your live? Believe me. One, fuck you. Two, fuck y'all. Three, you should salute me. Sucker punk, step up. Ha ha, you lost your shine. There is no equal. So I'ma blow up, blow, blow like this. Get down. Those dedicated DJ cutting the wax. The most dedicated doing this. The most dedicated DJ cutting the wax. The most dedicated doing this. Peep the style. Funky music is a must. Like, what is your name? Daddy. Definition of. Damn. Yeah. Bless the crowd with some real master cuts. Yeah. And make way for the big beat knocker, chief turntable rocker. And if you can't cut, find a new hobby that you can take up. The most dedicated DJ cutting. The most honorable. Voilà, c'était vraiment c'était du virtuose, hein, DJ Static au platine. Putain. Ouais, ça scratch du lourd. Ça scratch sévère. Donc on s'est écouté donc différents morceaux. Donc deux premiers c'était deux morceaux donc de Majors, donc le groupe de DJ Noise et DJ Static, avec donc trois MC. Il y avait le morceau Boom Bap et ensuite Suckers Never Play Me. Mm-hmm. Ensuite on a enchaîné avec des morceaux donc de DJ Static avec Nat Hill, tous les deux, et on a écouté, alors attendez que je me retrouve sur mes titres, je cherche dans mes playlists, on a écouté Denmark Finest, donc là c'était vraiment probablement le morceau de DJ avec Noise en invité et un DJ qui s'appelle DJ Shine, donc un autre DJ. On a eu le droit au morceau Eradicate. Ensuite là on a écouté Dedicate, donc c'était vraiment le place du prédominante du DJ, ouais, dans le titre, hein, avec des scratchs, des collages, ouais, au niveau des beaucoup de sampling de collages, ouais. Donc voilà, on termine l'émission donc en vous rappelant la grosse soirée de demain. Bah ouais, on se retrouve vendredi, donc vendredi 4, venez prendre l'apéro au Brocart et puis à partir de 19h. Ouais, puis jusqu'à la fin de la nuit, quoi. C'est au Carré Curial de Chambéry. Ouais, jusqu'à la fermeture, du moins. Donc, l'oncle Ben et Naughty B, et en invité tout droit venu de Nantes, monsieur DJ Farwa. Yes. Donc, du funk bien lourd, du boogie, du, ouais, disco. Ouais, funk, boogie, disco, hein, il l'a quand même bien annoncé dans le mix, on a pu voir. Mais après, c'est un mec qui surprend toujours. Il a toujours des super galettes reggae, des super galettes... afro, enfin vraiment il dit dans plein de genres différents, quoi. Et... Moi ce que j'adore, mais il l'aura pas avec lui, c'est sa mixette, ah, qu'il là, a, ouais. C'est Funky Saturdays là, un truc très old school avec pas mal de petits Rotary effets. Mixer, ouais, ouais, voilà, c'est, ouais, assez, ouais, spécial et c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu voir. Ah, ça doit être déstabilisant, oui, sur le crossfader, tout à fait, ouais. À mon avis. Je pense qu'on aurait pas, on s'en serait pas sorti nous. En tout cas, donc on vous dit à demain. Donc au B-Rock Café à partir, ouais, de 19h pour la Rock the B Part 5. Et puis sinon, bah, on se dit à la semaine prochaine pour une et nouvelle, ben, émission, ouais, de l'Antichambre sur les 105.9 de Radio Les Bords. Allez voir sur le site, il y a beaucoup, beaucoup de chroniques de disques. Elbert arrête pas en là, ce moment. Ça fait il vient plaisir. Pas, il vient pas au mic. Mais alors, à la plume, ouais, là, en ce moment... Qu'est-ce qu'il écrit Il y a aussi une interview faite par Michel Platine. Ouais, du Soul super Jazz Orchestra, super groupe Soul Jazz Orchestra, ouais, ouais, ouais. Ben voilà. Ouais, et ouais, puis on va pas se quitter. Oui, excuse-moi. Sympa. On va se quitter donc avec un dernier morceau de du groupe donc Static et Nat Hill. À la semaine prochaine. Salut. À plus. We were raised on the flyers, the battles, beatboxing breaks, the Kangols, the Pumas, the vinyl, the tapes, the burners, the window down, the whole cars, spray cans, throw ups and train dogs, the tags, the bombers, fat caps and toys, linoleum, white gloves and b-boys, the popping, the knocking, the spider, the freeze, the fat laces, casals, the leaves, SPs and PCs and Geminis, Sharps, JVCs and 45s, door knockers, rings and rope chains, shell toes and bell buckles with names, the clogs, the gaiters, the sneakers, the Timbs, the footwork, windmill and head spin, the beamers, the bends, the speakers, the rims, turning the volume up way past 10, the 1200s, the faders, the wax, the chuckle, the scratch, the cutbacks, the milk crates, needles and slip mats, the Sulu Nation, yo MTV raps, the lover dames, the b-boy fiends, headbands, gold fronts and dapper dames, the feelers, the Jordans, pumps and Air Max, car hard hoodies and fisherman hats, the do-rag scullies, wets and throwbacks, the gas face, Humpty Dance, the Bozak, the dreadlocks, frozen high top fades, airbrush jeans, the clocks on play, city wings, Terminator X-shades, what more can I say? African medallions, the Kofis, the pearls, Raiders caps, Chucks and Jerry curls, the Crips, the Bloods, khakis and gang signs, low riders, bandanas and drive-bys, swagger walks, handshakes and slang, stop the violence, all in the same gang, the pimps, the players, the hustlers, the G's, 40s, Phillies, guns, weed, champagne, diamonds, hoes and Hennessy, the whole East Coast, West Coast beef, backpackers, metaphors and similes, lyricist lounge, rock steady and D&D, freestyle ciphers and open mic nights, movies, magazines, labels and websites, huh. It's repping your place till the fullest, from South South Bronx to all who's took it, the sampling, the biting, all the inspiration, the blueprint, styles and innovation, the kings, the legends, forever classics, the wake up show and Mr. Magic, scan numbers and underground hits, the groupies, the booties, the video chicks, Vicky Fresh, dope, fly, gravy, industry rule number 4080, the gimmicks, the craze, the Daisy Age, breakers, writers, rappers and DJs, the love, the props, the money, the fame, respect, the honor, the glory, the game, the spirit, the lyrics, the tracks, the skills, all this makes up Static and Nat Hill.